الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد nous commençons aujourd'hui avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture d'une nouvelle traduction qui concerne l'explication des annulatifs de l'islam, nawaqid al-islam de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. L'explication du noble cheikh Mohamed ben Omar Salim Bezmoul, Hafidahullah Ta'ala, docteur Mohamed Bezmoul, Hafidahullah, est membre de l'enseignement à l'université Ummul Qura, hein, donc, et à la faculté de Al-Da'wa et Usul Al-Din, dans le département de Al-Kitab wa Sunnah. Donc là, il a une explication très bénéfique concernant les annulatifs de l'islam composés par l'imam de la da'wa salafia, l'imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc nous commençons bi'idnillahi ta'ala et nous implorons l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il nous ajuste dans nos paroles et nous accorde la sincérité et l'ikhlas, la bonne intention ainsi que le suivi concernant ce que nous lisons et ce que nous croyons et ainsi que dans nos actes. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Donc là, donc on commence la lecture. Le cheikh Hafidhahullah Ta'ala, il a commencé par Al-Basmala. Hein, il a dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la louange revient à Allah, nous le louangeons, demandons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne saurait l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne saurait le guider. J'atteste que nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah, seul sans aucun associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate Ali Imran, le verset 102. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sourate An-Nisa, le verset numéro 1. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Surat Al-Ahzab, les coalisés, les versets 70 et 71. Le cheikh Hafidhahullah, après cette introduction, il termine aussi ce préambule en disant, ceci dit, certes la parole la plus véridique est celle d'Allah, la meilleure guidée et celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires affaires sont les inventions en religion. Chaque invention en religion est une innovation. Toute innovation religieuse est un égarement, et tout égarement est au feu. Ceci est l'explication de l'épître Nawaqid al-Islam. de l'imam ayant revivifié la prédication du monothéisme, Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Le cheikh Hafidallah a dit: j'ai exposé cette explication dans le cadre de mes cours à la mosquée du cheikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah, située à Al-Aziziya, à la Mecque honorée. Certains de nos frères, qu'Allah les récompense, l'ont retranscrite. Ils ont retranscrit l'exposé du cheikh, la présentation faite par le cheikh Mohamed Bazmoul. Ils l'ont retranscrite. Le cheikh, il a dit: je l'ai relu, révisé, corrigé son expression et renvoyé vers les références qui y sont citées. J'implore Allah d'accorder à tous le succès pour ce qu'il aime et agrée. Ensuite, il a mis un prologue ou une introduction qu'il a intitulé « Les annulatifs de l'islam, définition, importance et normes ». Définition et puis importance et normes. Il a dit « Madkhal, nawaqid al-islam, ta'rifan wa ahamiyatan wa dawabita ». Et donc là, il va nous parler de l'importance de ce sujet, de l'importance de ce sujet, et il va rappeler aussi 15 dabit, qui est une règle, 15 règles. Dabit, il concerne un chapitre. Et maintenant, lui, il parle d'un chapitre précis qui est les nawaqid de l'islam. Parce que le dabit, il est différent de al-qaïda. En ce que Al-Qaïda, ça concerne beaucoup de choses. C'est-à-dire, elle s'applique dans beaucoup de, donc, de plans de la législation. Alors que Al-Dabit, il concerne un seul chapitre. Il porte sur un seul chapitre. Il y a des Dawabit qui concernent, par exemple, Al-Mesh al-Khufayn. Il y a des Dawabit qui concernent Al-Tayammum. Il y a des Dawabit qui concernent Al-Safar. Il y a des Dawabit qui concernent par exemple, quand il pleut, quand est-ce qu'on peut, réunir les deux prières et ainsi de suite. Il y a des dawabit qui concernent ces chapitres. Donc là, lui, il va rappeler des dawabit qui concernent les annulatifs de l'islam, nawaqid de l'islam. Il a dit, hafidhahullah ta'ala, il a dit: l'épître des annulatifs de l'islam, de l'imam ayant renouvelé la prédication, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a pour sujet, donc cet épître a pour sujet de citer les facteurs qui annulent l'islam de celui qui le prétend. De celui qui prétend l'islam, ou celui, c'est-à-dire qui s'affilie à l'islam, quand est-ce qu'on peut juger, quand est-ce qu'on peut dire que son islam il est annulé, quand est-ce que les savants disent que son islam il est annulé. Donc cette épître porte donc sur la question de déterminer les affaires qui font sortir l'individu musulman de l'islam. Al-umur allati tukhrij al-mar' min al-islam. Le terme nawaqid est le pluriel de naqid. Le terme nawaqid est le pluriel de naqid. Et la matière de ce mot, naqada, le nun, il-qaf, il-dad, la matière de ce mot a une origine authentique, aslan sahih, c'est-à-dire qu'elle se trouve attestée en langue arabe, et qui donc elle signifie défaire une chose. Cette matière, cette racine, si l'on veut dire, qui est donc une origine qui est authentique dans la langue arabe, donc elle veut dire défaire une chose, le fait de défaire une chose, une chose qui était faite, on va la défaire. Quand est-ce qu'elle se défait? Défaire une chose, de là le fait de défaire un contrat, comme on dit défaire un contrat, naqdul ahd, défaire un contrat. Il a aussi une signification d'un genre de son, naqib, c'est un genre de son, l'on dit du son des articulations, naqid, le son des articulations. Parce que donc les articulations de notre corps font un son, il s'appelle en arabe un naqid. Ce sens est proche du premier, Hein, ce sens qui concerne les articulations, ce sens, il n'est pas très loin du premier qui est de défaire. Et il a dit, le cheikh l'a dit, c'est comme si les articulations se défont, hein, ils sont en train de s'éloigner, hein, se défont, et alors on entend un son. Hein, donc et là, il a dit, revenez à Mu'jam Maqayis al-Lugha. Hein, et le cheikh, il a cité, après cela, il a cité un hadith, hein, où le prophète il a prononcé ce terme, la naqadto, il a dit naqada, le prophète alayhi salam il a cité ce terme, hein. Je vais donc concernant les nusus, concernant les textes, je vais lire aussi bien donc la traduction que le texte en arabe pour donc que le bénéfice, hein, et le profit concernant ces nusus soit plus grand, inshallah ta'ala, hein, inshallah ta'ala. Donc là, pour le premier hadith, il a dit, il y a dans le hadith, d'après Aïcha, radiallahu anha, qu'elle dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, n'était que ta tribu, était récemment dans la mécréance, j'aurais démoli la Kaaba. Ensuite, je l'aurais reconstruite selon la base faite par Ibrahim, alayhi salam, Quraysh, le jour où elle l'a bâti, la Kaaba, le jour où elle l'a bâti, avait écourté sa tâche, et je lui aurais donc fait une porte arrière, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc voici le texte en arabe. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقدت الكعبة ثم جعلتها على أس إبراهيم عليه السلام فإن قريشا يوم بنتها استقصرت ولجعلت لها خلفا. Donc le cheikh, après cela, il a expliqué deux termes qui figure dans ce hadith. Il a dit naqd al-Ka'ba. Naqd al-Ka'ba, c'est la démolir. Naqd al-Ka'ba, c'est la démolir. Et il a expliqué aussi khalfan. Il a dit laja'altu laha khalfan. Khalfan, c'est une porte arrière. Une porte arrière. Et après cela, le cheikh Hafidhahullah, il a cité un deuxième hadith. Il a dit, et dans le hadith, il y a un autre hadith où ce terme il a été cité. Et lui, il l'a ramené. Voilà comment on comprend la chose, c'est-à-dire la base linguistique, et puis on va vers la compréhension des nawaqid. Parce que ce charh bénéfique de Cheikh Mohamed Bezmoul, c'est un charh qui est détaillé concernant nawaqid de l'islam. Il est relativement détaillé. Il va répondre à beaucoup de questions sont en rapport avec nawaqid de l'islam. Donc voici le second hadith que le cheikh Hafidhullah il a cité. Il a dit, et dans le hadith, selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, tandis que Jibril, alayhi salam, était assis chez le prophète, sallallahu alayhi salam, il entendit un naqid venant de dessus de lui. Il leva sa tête et dit, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam, il entendit un naqid venant de dessus de lui. Il leva sa tête et dit, ceci est une porte au ciel qui s'ouvre aujourd'hui. Elle n'a jamais été ouverte avant. Un ange descendit à travers elle. Il dit, voici, alors Jibril alayhi salam, il dit, voici un ange qui descendit sur terre et il n'y est jamais descendu auparavant. Il salua, cet ange salua et il dit, reçois, c'est-à-dire il s'adresse à Muhammad alayhi salam, reçois la bonne annonce de deux lumières qui te sont octroyées et qui ne furent jamais octroyées à un prophète avant toi. Hein? Quelles sont ces deux lumières? L'ouverture du livre, Al-Fatiha, et les versets de clausule ou de clôture de la sourate, la vache, Khawatim ou sourate al-Baqara. Il a continué, il a dit, tu seras récompensé pour chaque lettre que tu en lis. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Voici le hadith en arabe, an ibn Abbas radiyallahu anhuma, بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سور البقرة وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. Voilà, et donc là aussi il a expliqué le terme naqid. Il a dit, il a entendu naqid, sami'a naqidan, il a entendu naqid, c'est-à-dire il a entendu un son. Il a entendu un son. Et Cheikh Mohamed Hafidahullah, il a continué, il a dit, c'est les gens de Al-Kalam. Hein, il va nous rapporter qu'est-ce qu'ils disent aussi sur cette terminologie de An-Nawaqid et de Ad-Dib. De An-Naqid et de Ad-Dib. Chez les gens de Al-Kalam, Naqiban sont deux qualités de l'existence qui peuvent se succéder dans un seul endroit, mais qu'il est impossible de réunir. Qui ne peuvent pas coexister, qui peuvent se succéder, mais qui ne peuvent pas coexister en même temps. Hein? Elles ne coexistent pas, non plus qu'elles ne s'annulent. On ne peut pas dire que, donc, d'une chose, qu'elle n'a ni cette qualité ni l'autre. Donc, si elle n'a pas cette qualité, c'est qu'elle a l'autre qualité. Ça, c'est un naqidan. Hein? Elles ne coexistent pas, non plus qu'elles ne s'annulent. Telles que le néant et l'existence. On ne peut pas dire d'une chose qu'elle, par exemple, qu'elle existe et qu'elle est néant, hein, qu'elle n'existe pas. C'est impossible. Donc là, ce sont deux termes, naqidan, le néant et l'existence. Hein, le fait d'exister et le fait de ne pas exister sont deux choses qui sont naqidan, mutanaqidan, naqidan, al-wujud ou al-adam, le néant et l'existence. Ce sont deux choses qui sont naqidan. Alors que ad-diddan, chez les gens de Al-Kalam, alors que ad-diddan, ce sont deux choses qui ne se réunissent pas, mais elles peuvent disparaître ensemble. Deux choses qui ne peuvent pas coexister, mais qui peuvent disparaître tout ensemble, telles que la noirceur et la blancheur. Hein. Par exemple, on peut donc ne pas trouver la couleur blanche, ni la couleur noire, mais on peut trouver une autre couleur. Donc là, ce sont des dindes. L'abiyad ou l'aswad, des dindes ou l'aïsa naqidan. Tel que le cheikh l'a dit, tel que la noirceur, al-bayad ou al-sawad. Hein, tel que la noirceur et la blancheur. Et il a, chaque fois le cheikh, hafidhullah, donc dans cette recherche, dans ce baht, hein, il cite les références, il a dit, al-ta'rifat de al-jorjani, et il a cité la page. Donc là, le cheikh il a continué, il a dit, l'islam et la mécréance sont naqidan. Donc ça fait partie de un naqidan, non pas de ad-diddain. C'est-à-dire, hein, donc qu'ils ne peuvent pas coexister, hein, mais aussi ne peuvent pas s'annuler tous ensemble. On doit trouver l'un d'eux, ou bien il est musulman, ou bien il est mécréant. D'accord. Donc l'islam et la mécréance sont naqidan. L'individu a nécessairement l'un d'eux. Si l'un disparaît, l'autre le remplace. Hein, si quelqu'un il n'est plus mécréant, c'est qu'il est devenu musulman. Et s'il n'est plus musulman, c'est qu'il est devenu mécréant. Na'ouzu billah. Donc là, le cheikh l'a dit, ceci, tout en ayant la capacité, en l'absence et l'absence de l'empêchement. Et en l'absence de l'empêchement. Donc là, c'est là qu'on s'applique, c'est-à-dire le jugement. Hein? C'est ce qu'on va voir dans ce livre très bénéfique. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister pour y continuer et pour le compléter. En plus, oui. C'est quoi, on n'a pas bien compris. Donc, il a dit, donc, chez les théoriciens de Al-Kalam, ils utilisent cette terminologie. Ils utilisent cette terminologie. Ils disent pour An-Naqidain, ce sont deux choses qui ne peuvent pas coexister. Hein? Et non plus, hein, ils ne peuvent pas s'annuler tous les deux. Tous les deux, ils ne peuvent pas disparaître. Disparaître tous les deux. L'un, il remplace l'autre. Ouais. Chaque fois, on va trouver l'un d'eux. Alors qu'il y a un autre terme qui est Ad-Diddan. Deux choses qui sont opposées, qui ne peuvent pas coexister. On ne peut pas trouver, c'est-à-dire dans une même chambre, on va dire, il y a la noirceur et il y a la blancheur. L'un, donc, il exclut l'autre. Hein? Mais si l'un donc pour Ad-Diddain, si l'un disparaît, l'autre aussi peut disparaître, mais on peut trouver un troisième. Ça c'est Ad-Diddain. Ad-Diddain c'est pas comme Naqidain. Donc Naqidain, si l'un disparaît, l'autre lui succède. Hein, l'autre lui succède. Alors que Ad-Diddain, on peut ne pas trouver celui-là, ni son opposé, mais on peut trouver un troisième. On peut trouver une troisième couleur. La couleur verte ou la couleur jaune ou une autre couleur. D'accord ? Donc là, c'est dans la terminologie de Al-Kalam, ils disent que cela s'appelle Ad-Diddain. Alors que ce qui nous concerne ici, c'est An-Naqidain. Hein, c'est An-Naqidain qui est relatif à la racine Naqada, hein, et il est relatif aussi à Naqdan, et relatif au nom qui est An-Nawaqid. Et le singulier qui est An-Naqid. Donc là, après cela, le Cheikh Hafidhahullah, il a dit, l'islam et la mécréance sont Naqidan. L'individu a nécessairement l'un d'eux. Si l'un disparaît, l'autre le remplace. Si l'islam disparaît, hein, na'udhu billah, donc là, l'autre le remplace. C'est-à-dire le kufr. Et ceci, tout en ayant la capacité et en l'absence de l'empêchement. Ça, c'est ce qu'il va expliquer avec Iqamat al-Hujja et ainsi de suite. Donc là, les annulatifs de l'islam sont les facteurs qui le détruisent et qui font sortir son auteur de l'islam vers la mécréance. Nawaqid al-Islam ou les annulatifs de l'islam sont les facteurs, l'asbab ou l'awamil, الأسباب التي توجب الوقوع في الكفر qui le détruisent, التي تهدم الإسلام, qui font sortir le sujet, l'individu, ils le font sortir de l'islam vers la mécréance. Donc les nawaqid sont le pluriel de naqid, qui est le nom du sujet, qui est le nom du sujet, c'est-à-dire ism al-fa'il, et c'est le facteur qui annule la chose. Et c'est le facteur qui annule la chose. Allah Ta'ala dit, aussi dans le noble livre, on va trouver le terme tanqudu, on va trouver un terme donc de cette famille. Donc Allah Azza wa Jalla dit, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Voici une traduction rapprochée du sens de ces deux versets. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments, comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre, Allah ne fait par là que vous éprouver. Et certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. Sourate An-Nahl, les abeilles, les versets 91-92. Le Cheikh, après ce verset, il a dit, les fuqaha disent, les nawaqid des ablutions, par exemple, nawaqid al-wudu, ce sont ces annulatifs, muhtilatu. Nawaqid al-wudu, il y a muhtilatu. Nawaqid al-wudu, muhtilat. Donc, nawaqid al-islam sont ces annulatifs. Nawaqid al-islam, muhtilatu, aïdan. L'islam, c'est de se soumettre à Allah, la définition de l'islam. Et donc, il faut se méfier, donc, parce qu'il y a des gens qui disent, qui essayent de définir l'islam comme as-salam. Non, l'islam, c'est une religion qui a une définition, qui est la suivante. La meilleure définition est la suivante, c'est de se soumettre à Allah. Hein? C'est de se soumettre à Allah par le monothéisme, de vouer toute l'adoration à lui, hein, et de désavouer le polythéisme et ses gens. L'islamu lillahi bittawhid, wa l'inqiyadu lahu bittaa'ah, wa l'bara'atu minash shirki, wa ahlihi. Hein? Et il a dit, quand le terme de l'islam est employé seul, hein, il comprend la foi. لَمَّا يُذْكَرْ l'islam, يَدْخُلْ فِيهِ الْإِيمَانِ. Hein? Donc, quand le terme de l'islam est employé tout seul, dans un contexte, il apparaît tout seul dans un texte, il comprend la notion de la foi. Il comprend la foi. Hein? Il comprend la foi, le sens de la foi, l'iman. Ce sont donc ici les annulatifs de l'islam et de l'iman et de la foi. Hein? Les nawaqid de l'islam et de l'iman. L'auteur, rahimahullah ta'ala, l'auteur Muhammad, Ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, l'auteur a limité les annulatifs au nombre de 10. Hein, il a restreint dans ce recueil les annulatifs à 10. Non pas pour dire qu'il n'y a que 10, mais il s'est contenté de ce choix. Et il va, donc le cheikh, il va donc apporter des interprétations à cela. Pourquoi il a limité cela à 10. Hein, il a dit... Il a été dit, hein, comment les savants ils ont interprété cette décision de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahmallah, il a été dit, c'est que tous les autres reviennent à ces 10. Il a été dit, an-nawaqid al-ukhra tarja'u ila hadhihi al-ashara, que les autres annulatifs de l'islam reviennent à ces 10. Hein. Et il a été dit aussi, hein, parce que la preuve clair et évidente et attesté concernant ces 10. Al-Dalil al-Wadih, al-Bayyin, yani zahir fi hadhihi al-adila al-ashara, laysa fiha khilaf bayna ahli al-ilm. Donc là, sans qu'il y ait vraiment une divergence. Et la parole de l'auteur, la parole de l'imam lui-même, en fin de cet épître, signale qu'il les cita particulièrement parmi les autres nawaqid qu'il n'a pas cité, parmi les autres nawaqid, à cause de leur grand danger, les khuturatiha. Parce que ces annulatifs qu'il a cités, ils sont fréquents, ils sont très dangereux. À cause de leur grand danger, de leur fréquence, ou de la fréquence où les gens y succombent. Parce que beaucoup de gens succombent dans ces 10. Lui, il a cité, rahimahullah ta'ala. Il a dit, à la fin, rahimahullah ta'ala, il a dit, à la fin de son épître, et ils sont tous, hein, c'est nawaqid ashara, ils sont tous, parmi les choses les plus graves, et parmi celles qui sont les plus fréquentes, hein, c'est-à-dire, elles reviennent beaucoup chez les gens, et beaucoup de gens, donc, ils succombent, wallah al-musta'an. De ce fait, donc c'est la fin de la parole de Mohamed bin Abdouhab, rahimahullah. Le Cheikh Mohamed bin Abdouhab, il a dit, de ce fait, mentionner textuellement une 10 ne relève pas de la restriction. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que 10 nawaqid. Hein. Aussi, celui qui consulte le chapitre de l'apostasie, Bab al-Ridda, ou Bab Hukm al-Murtad, fi Kutub al-Fiqh. Le chapitre de l'apostasie dans les livres de al-Fiqh, les trouvera-t-il cités? Il trouvera les fuqaha cités un grand nombre qui dépasse la 10. Un grand nombre qui dépasse la 10. Maintenant, il va mentionner l'importance d'étudier ce sujet. Alors, il va mentionner l'importance d'étudier ce sujet. Il a dit, cette importance revient au point suivant. Hein, premièrement, afin de préserver la religion, les hifdiddin, afin de préserver la religion, ça c'est le premier point, afin de préserver la religion, qu'elle ne s'annule pas. La préservation de la religion est parmi les nécessités sur lesquelles les législations révélées se sont mises d'accord. Hifdiddin, هذه الكلية من من من من أو من من من الكليات الخمس هذه من من من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع التي أوحى بها الله عز وجل لرسوله. Donc les législations sont unanimes sur le fait, c'est-à-dire de préserver la religion. حفظ الدين. الإمام الشاطبي رحمه الله dit, الشاطبي, ce savant musulman, il a dit, la communauté s'accorde voir toutes les religions, c'est-à-dire les religions qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alors que les autres choses, ce ne sont pas des véritables religions. Non, ce sont des faussetés. Donc là, le cheikh, il a cité les Shafi'i lorsqu'il a dit, les religions, la communauté s'accorde voir toutes les religions, c'est-à-dire celles qui nous ont précédées aussi, les communautés qui nous ont précédées, que la législation fut posée en vue de la préservation des cinq nécessités, à savoir la religion, hifdoddin, hifdonnefs, préserver l'âme, préserver la progéniture, hifdonnesl, préserver l'argent et la raison. Voici les cinq choses, c'est-à-dire que la religion essaie de préserver hifdoddin, والنفس والنسل والمال والعقل. Donc la religion, l'âme, la progéniture, l'argent et la raison. Il a expliqué, la connaissance de cela est comme une obligation. C'est-à-dire que cela est très connu pour la communauté et comme une obligation pour la communauté. Al-Muwafaqat. Donc ça veut dire quoi? Le troisième, vous avez cité après din. Oui, la religion, hifdun nafs, bisharia, hifdun nasl. Nasl. C'est-à-dire que on ne doit pas exposer un individu à la stérilité, à le rendre stérile par exemple. Hifdun nasl. Avec sin ou avec sin? Oui, sin, avec sin, hifdun nasl. Hifdun nasl. Donc et après c'est maqasid al-sharia. Naam, donc là, Shatibi rahmallah, puisque c'est un usuli, il parle de cela, de al-maqasid, il parle de usul al-fiqh, il parle de al-qawa'id fiqhiyya rahmallah. La dernière, c'est quoi aql? L'aql, la raison. Donc l'argent, et le dernier, c'est la raison. Le dernier, c'est la raison. Et c'est extrait de al-muwafaqat de Shatibi. Donc là, Cheikh Mohamed Hafidhullah, il a continué, il a dit, en apprenant ces annulatifs, tu distingues entre le bien et le mal. Tu dis aussi, en apprenant ces annulatifs et en les connaissant, tu distingues entre le bien et le mal, comme le poète avait dit, j'ai connu le mal, non pas pour lui-même, non pas pour connaître le mal et pour, les philosophes et les poètes, lorsqu'ils essaient d'apprendre ces choses, ils essaient de les apprendre sans finalité. Mais regardez cette religion, comment elle présente les choses aux hommes. Par exemple, les poètes français ou autres, lorsqu'ils essayent d'étudier même le mal, ils l'étudient pour lui-même. Et ils l'étudient pour lui-même, c'est pourquoi ils s'exposent à des dangers. Donc là, il me revient à l'esprit, par exemple, Baudelaire, lorsqu'il écrit dans les fleurs du mal, et lorsqu'il parle des sortes de mal dans ses poésies, etc. Donc là, c'est pas donc avec une finalité vraiment, comme celle que nous sommes en train d'étudier. Parce que le cheikh, il a dit, il a cité un vers qui est plein de sagesse, il a dit, j'ai connu le mal, le poète arabe, il a dit, j'ai connu le mal, non pas pour lui-même, mais afin de l'éviter. عرفت الشر لا للشر ولكن لأجل توقيه. Et celui parmi les gens qui ne connaît pas le mal, il succombe. ومن لم من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه يقع فيه. C'est-à-dire il succombe dans le mal. Donc il sera exposé à tomber dans le mal. Et il est très connu aussi que le noble compagnon Hudhayfa ibn Yaman rahimahullah, il interrogeait le messager alayhi salatu wasalam beaucoup au sujet des hadiths de Al-Fitan et des choses qui vont survenir dans cette umma, hein, c'est pour être à l'abri. C'est pour être à l'abri. Il a dit كان الناس يسألون رسول الله عن خيري وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني, avec cette niya, avec cette intention. Il apprenait cela pour être à l'abri de Al-Fitan, pour être à l'abri de Al-Fitan. Donc là, Cheikh Mohamed Bazmoul, après ses vers, il a dit les choses se différencient par leur contraire. Al-Umur تعرف بأضدادها يعني الإنسان لما تعرف الشر تبتعد منه وتذهب إلى الخير. Donc là, les choses se différencient par leur contraire. Et comme il y a dans un autre vers aussi, والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. La chose se reconnaît par son contraire. Si tu évites le mal, tu vas, inshallah, vers le bien. Hein? Si tu évites le mal, tu vas vers le bien. Donc là, lorsque tu trouves que dans une chose, il y a le mal, il faut l'éviter, il faut s'éloigner de cette chose. Lorsque ici, on étudie Nawaqid l'islam, c'est pour préserver le bien qui est l'islam et pour préserver notre religion. Donc là, il a dit, ceci est le premier objectif. Hein, c'est le premier objectif de l'importance d'étudier l'islam. Et donc, je le rappelle, il a dit, premièrement, afin de préserver la religion. Et il a cité que la religion, c'est parmi maqasid al-sharia ou parmi les kulliyat qu'il s'agit de préserver. Il a dit, deuxièmement, si tu apprends par quoi la mécréance se produit ou non, tu éviteras de déclarer mécréant un musulman. Et tu éviteras de te permettre son sang. Hein? Si tu vas apprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un il tombe dans la mécréance, tu ne vas pas commettre l'erreur de rendre un musulman mécréant, de prononcer la mécréance sur un musulman. Hein? Et tu éviteras ainsi de te permettre son sang, sihlal dami. Hein? Donc tu éviteras ainsi de te permettre son sang. Et il a cité, donc après cela, il a cité, Hafidhahullah, il a cité un hadith, hein, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qu'il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, insulter le musulman est une perversité, et le combattre est une mécréance. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. An Abdullah ibn Mas'ud قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقتاله كفر. Donc là, après cela, il a cité aussi un deuxième hadith concernant toujours ce point. Il a dit d'après Thabit ibn al-Dhahhak que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hein, celui qui jure par une religion autre que l'islam, il est donc comme il a prononcé. Et celui qui se tue par un moyen, il sera puni avec, hein, dans le feu de la géhenne. Donc là c'est l'interdiction du suicide. Hein. Il sera puni avec dans la géhenne, dans le feu, dans la géhenne, puis jahannam. Maudire le croyant et comme son meurtre, hein, l'âme le mu'mini ka qatli. Maudire le croyant, c'est comme son meurtre. Il ne faut pas maudire un musulman. Hein. Maudire le croyant est comme son meurtre. D'accord? Et celui qui jette la mécréance, c'est comme son meurtre. Hein. Takfir le muslimi ka qatli. Hein. Takfir le muslimi ka qatli. Hein. Il a dit, عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله فهو كقتله. Et donc là, ce hadith, il est cité par Al-Bukhari wa Muslim, rahimahumullah. Donc là, après ce deuxième point, qui est, si on apprend ces nawaqid, on évitera de tomber dans le takfir des musulmans, hein, de prononcer le takfir sur les musulmans. Et donc là, il nous a cité qu'il ne faut pas maudire le musulman, et qu'il ne faut pas prononcer sur lui la mécréance non plus. Donc là, parce que ces choses, c'est comme de le tuer. Parce que le tuer, c'est le séparer de la vie terrestre, alors que donc prononcer sur lui al-kufr, c'est de le séparer de cette vie qui est la vie de al-ruh et qui est la vie, c'est-à-dire qui est l'islam. C'est le séparer de l'islam. Prononcer la mécréance sur un musulman, c'est le séparer de l'islam. Hein? Et donc le prophète, il a mis en garde contre le fait de prononcer le kufr sur un musulman. Et donc ce hadith, il viendra donc, dans cette recherche du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Donc là, il a cité le troisième intérêt. Pourquoi on étudie ce sujet? Il a dit, troisièmement, connaître cela est l'un des chapitres de la religion. C'est l'un des chapitres de la religion. Tout comme tu as besoin d'apprendre les jugements de la prière afin d'accomplir ta prière, tu as besoin aussi d'apprendre les jugements sur la mécréance afin de maîtriser le chapitre de la foi, d'Ev al-Iman, hein, et comprendre les jugements de l'apostasie, Fahm Masail al-Ridda. Cette importance concerne les apprenants de sciences légiférées, طلبت العلم دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. Donc là, il convient qu'il maîtrise ce sujet pour aussi faire face à al-ghulu qui est chez beaucoup de gens de prononcer al-kufr sur les musulmans et de prononcer al-takfir sur les musulmans, qu'ils soient des simples sujets qui sont tombés dans certains péchés ou bien qu'ils soient des gouverneurs. Donc là, donc le talib al-ilm ou bien le da'i à Allah subhanahu wa ta'ala, il maîtrise ces points aussi pour un peu contribuer et faire face par nasiha et par la propagation des paroles des gens de science comme ce que nous sommes en train de voir chez le Cheikh. Donc en propageant ces hadiths, etc. Donc on fait face à ce mouvement de at-takfir al-bid'i. At-takfir al-bid'i. At-takfir comme une bid'a. Le fait de prononcer at-takfir sur des gens qui ne le méritent pas. Donc là, il a dit, savoir les annulatifs de l'islam est une science, hein, et un chapitre de la religion qu'il est nécessaire à l'apprenant de science d'assimiler, hein, tout comme les autres chapitres de la science et de la religion. Hein. Et il a cité un quatrième point qui montre l'intérêt d'étudier ce sujet, le danger de ce chapitre, c'est-à-dire « khutourat hadha al-bab ». Quand le musulman y lit et regarde dans ces questions, il s'aperçoit que l'homme peut se séparer de l'islam à cause d'un mot. Le musulman yaqad yakfur bi kalima yaquluha. Et il peut se séparer de l'islam par un seul acte, bi fi'lin yaf'aluhu. Hein? Bi fi'lin yaf'aluhu. Et aussi, il peut s'en séparer à cause d'une seule idée à laquelle il croit. يعني يخرج من الملة ويخرج من الإسلام بفكرة يعتقدها donc le danger de ce chapitre montre son importance. Si telle est la chose, c'est-à-dire que le musulman peut tomber dans la mécréance à cause d'un mot ou à cause d'un acte ou à cause d'une idée, donc il s'agit d'étudier cela, de le comprendre afin d'éviter ce grand danger. Allah subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. Et le musulman doit veiller sur sa religion et ne pas étudier n'importe quoi et ne pas lire dans n'importe quel livre et ne pas donc recevoir n'importe quel média ou n'importe quelle idée, parce qu'il y a des idées qui se propagent maintenant et qui font appel donc à al-kufr, qui appellent à al-kufr, c'est-à-dire que les idéologies qui appellent à l'athéisme et autres, et celles que les idéologies qui sont maintenant embellies sous le dehors de quoi? du développement personnel. Il y a des idéologies comme ça qui sont donc développées ces dernières années, hein, ces 20 ou 30 dernières années, ou un peu plus, telles que donc la programmation neurolinguistique qui recèle des idées de Al-Kufr. Donc là, il faut que le musulman soit vigilant et soit attentif face à ces idées, pour qu'il ne soit pas trompé par ces idées, que les gens ils les présentent parfois comme étant des choses qui relèvent du développement de soi et du développement de la psychologie et du développement personnel et ainsi de suite, pour lui glisser une idée, hein, pour lui glisser une idée qui est mauvaise, hein, qui est mauvaise. Le musulman doit être vigilant sur cela. Wallah musta'an. Donc là, le cheikh, après cela, il a cité un hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu. Il a dit, d'après Abi Huraira, hein, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, certes, le serviteur prononce un mot dans l'agrément d'Allah, sans lui prêter de l'attention, et Allah l'élève en degré grâce à lui, grâce à son mot qu'il a prononcé, alors que lui, il ne croyait pas que cela va l'élever en degré comme Allah Azza wa Jal l'en a récompensé et rétribué. Et certes, le serviteur prononce un mot dans le désagrément d'Allah, hein, يقول الكلمة من غضب الله أو من سخط الله, sans lui prêter de l'attention, sans prêter de l'attention à ce mot qu'il a dit, hein, et il descend dans la Gehenne à cause de ce terme, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Voici le hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم يهوي بها في جهنم عياذا بالله. Donc là ça montre la gravité de la parole et la gravité donc de ces choses. C'est pourquoi le cheikh il a cité ce hadith qui renforce c'est-à-dire cette idée qu'il a citée comme quatrième point de l'importance de ce sujet, ainsi que ce qui fut mentionné. Il va citer aussi le hadith, le verset très connu, hein, le verset très connu qui nous montre la gravité de cela. Il a dit, ainsi que ce qui fut mentionné comme cause de révélation de la parole d'Allah Ta'ala, hein, cette parole d'Allah Ta'ala qui est dans la sourate At-Tawbah, hein, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعد الطائفة بأنهم كانوا مجرمين. Voici la traduction rapprochée un peu de ces deux versets, à peu près. Donc, et fais-tu les interroger? Si tu interroges ces gens qui sont tombés dans ces paroles de Al-Kufr, et si tu les interroges, ils diraient. Il dirait très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. إِنَّمَا كُنَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Dis, c'est-à-dire dis-leur, ô Mohammed, dis-leur, est-ce d'Allah, de ces versets, hein, de Al-Qur'an al-Karim, de ces versets, et de son messager que vous vous moquiez, hein, c'est de là que vous étiez en train de jouer, hein, de que vous vous moquiez. Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, parmi vous, si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Surat At-Tawbah, le repentir, les versets 65 et 66. Donc là, je souligne aussi qu'il y a parfois des blagues sur les questions de religion, sur les questions de Al-Ba'th, sur les questions de Jibril alayhi salam, ou sur les sahaba, ou sur Al-Jannah, ou sur Al-Nar, ça relève de ce chapitre. Donc là, il faut que le musulman se méfie de cela. Il ne raconte pas ces choses et il ne les reçoit pas. Il ne doit pas s'asseoir avec des gens qui vont plaisanter de religion ou qui vont rapporter ou qui vont raconter des blagues à propos de ces sujets. C'est très grave. Hein, c'est très grave parce que le fait de rester à écouter cette chose, c'est une forme d'agrément. C'est une forme de l'avoir agréé et d'avoir accepté de parler de telle chose. Hein, de telle chose. Ça, c'est grave. Parce que ici, qu'est-ce qu'on remarque aussi dans le verset? En réalité, c'est l'un d'eux qui avait dit cette chose. C'est l'un d'eux, comme il sera expliqué maintenant, c'est l'un d'eux qui a dit cette chose. Mais les autres, étaient en train d'écouter. Allah Azza wa Jalla, il a dit, قُلَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ. Il a parlé au groupe. Il n'a pas parlé seulement à celui qui a prononcé cela. Mais il a parlé aussi à ceux qui étaient en train de recevoir cette parole. Hein? Alors qu'il y avait un compagnon qui a entendu cette chose, il s'est donc il a réagi. Il a réagi du bon comportement qui se doit du musulman. Il a réagi, il a dit qu'il ne faut pas parler du prophète alayhi salam comme ça et de ses compagnons. Hein? Il a réagi et il a, donc ça c'est la foi. La foi, que c'est une réaction qui montre la foi de ce compagnon alayhi salam. Donc là, le cheikh, il va nous citer une version où il y a l'explication de ce hadith, de ce verset, pourquoi il a été révélé. Abdullah ibn Wahb dit, Hisham ibn Sa'd m'a informé, selon Zayd ibn Aslam, selon Abdullah ibn Omar, qui dit, lors de la bataille de Tabouk, Ghazwat Tabouk, un homme dit dans une assise, il avait dit, un homme, regardez, il a dit, donc qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas vu comme nos récitateurs, si, plus gourmand, plus menteur et plus lâche au moment de la confrontation. Voici la parole qu'il a prononcée à propos de Al-Nabi alayhi salam et de Al-Sahaba. Il a dit cette parole de Al-Kufr. Hein, cette parole de Al-Kufr. Ma ra'ayna mitla qurra'ina arghaba mutunan wa akthaba al-sunan wa la ajbana 'inda al-liqa'. Ça c'est il est en train de décrire les compagnons et le messager ainsi. Alors que cela s'applique à lui et à ceux qui lui ressemblent. Ça s'applique à al-munafiqin. Ce sont les munafiqin qui sont comme ça. Qui mangent trop, hein, et qui mentent, qui sont des menteurs, et qui sont des lâches. Et lui, parce que lui, il était hypocrite, il était en train d'accuser les autres par son propre mal. Comme on dit dans un proverbe, Ramatni bida'iha wa ansallat. Donc il était en train de qualifier les compagnons qui mangeaient peu, et qui étaient des gens véridiques, qui sont toujours, qui yataharrawna al-haq. Hein, au cirque, et qui étaient courageux, les compagnons, c'est les gens les plus courageux, après les messagers, alayhi salam. Les compagnons étaient très courageux dans les batailles. Lui, il a dit, ajbana 'inda al-liqa, parce que lui, c'était un munafiq. Hein, qu'est-ce qui est raconté après? Un homme qui était dans la mosquée dit, tu as menti. Voici le compagnon qui lui a rétorqué. Il lui a dit, tu as menti, et c'est parce que tu es hypocrite. Hein? Et certes, je vais en informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Coran, le Coran Karim, hein, était descendu. Avant que ce compagnon n'arrive chez le prophète alayhi wa sallam, donc Jibril alayhi wa sallam est venu informer le Nabi alayhi wa sallam de cette affaire. Abdullah ibn Umar avait dit, hein, et moi, Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn Khattab, radiallahu anhuma, il a dit, et moi, j'ai vu ce munafiq, je l'ai vu cet homme, hein, qui a prononcé cette parole de mécréance, il est tombé dans un naqid, hein, se moquer du prophète et des compagnons, c'est un naqid, il est tombé dans cela. Il a décrit cet homme, Abdullah ibn Umar, il a décrit cet homme, il a dit, et moi, Je l'ai vu suspendu à la corde, hein, qui passe en dessous du ventre de la chamelle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tandis qu'il bute sur les pierres, hein, alors qu'il disait, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il était en train de supplier encore et de demander le pardon. Oh, messager d'Allah, nous ne faisions que bavarder et jouer. Nous ne faisions que bavarder et jouer. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui disait, est-ce d'Allah, de ses versets, hein, c'est-à-dire de Al-Qur'an Karim, de ses versets, et de son messager que vous vous moquiez, hein, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Hein, après avoir cru. Et le cheikh, il a dit après ce hadith, il a dit, voir pour plus donc de détails, voir Tafsir Ibn Kathir, le volume numéro 4, page 171. Donc on va lire le texte en arabe aussi pour profiter de cette parole rapportée par Abdullah ibn Wahb. Il a dit أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc là, ça montre la gravité, hein, la gravité de parler de ces choses avec plaisanterie ou de moquerie, etc., etc. Et on va voir dans un naqid من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم من دين الله أو بثوابه أو عقابه كفر. من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو ما جاء بالرسول فإنه يكفر. Donc là, le cheikh il a continué. Après, il a dit, le verset leur attesta une fois. أثبتت لهم الآية أثبتت لهم إيمانا قبل هذا. Leur attesta une fois d'après ce qu'ils montrèrent. حسب ما كانوا يظهرون. نأخذ الناس بالظاهر حتى ظهر منه الكفر حتى ظهر منه jusqu'à ce qu'il ait prononcé cela, cette parole qui montre la mécréance, qui est une parole qui n'a pas d'autre interprétation. Hein? Et le cheikh va expliquer ce point aussi, inshallah ta'ala, dans les dawabit. Il a dit, hein, le verset leur attesta une fois d'après ce qu'ils montrèrent. Et les jugements de la vie ici-bas en dépendent. Les jugements qui concernent la vie terrestre dépendent de ce dahir, de ce que ces gens ils font apparaître, de cette apparence quand les gens, même si par exemple ils étaient donc hypocrites à l'époque du prophète, et Allah Azza wa Jalla a informé Nabi alayhi salam, Allah Azza wa Jalla il a informé des noms des munafiqin, mais il a continué à les traiter hasab dahir. Donc ces gens, selon leur apparence, donc ces gens avaient mécru à cause de cette parole. Après avoir cru, ceci montre que pour eux, cela ne les ferait pas succomber dans la mécréance. Ils ne pensaient pas que cela fait succomber dans la mécréance, mais ils étaient sûrs aussi que ce qu'ils étaient en train de faire, il est faux et il est haram. Cela suffit. Non, cela suffit. Si l'individu sait que ce qu'il est en train de faire, il est haram et il va le faire, là il n'a pas d'excuse. Hein, là il n'a pas d'excuse. Si par exemple il a connu que ceci il est haram et il va le perpétrer alors que c'est un naqib, il suffit qu'il ait cette connaissance que ceci est haram. Et ceci est haram. Donc là, ceci montre que pour eux, cela ne les ferait pas succomber dans la mécréance. Pour eux, cela était seulement haram, mais ça ne doit pas donc aller jusqu'à la mécréance. Ils ont pensé que ce n'était pas une mécréance. Il montra donc que la moquerie vis-à-vis d'Allah, de ses versets et de son messager, est une mécréance qui sépare son sujet de la religion après avoir été croyant. Parce que ces gens, ils étaient en train de parler des compagnons et du messager. Mais Allah, dans le verset, il a dit, قُلْ أَبِي اللَّهِ Est-ce par Allah que vous étiez en train de vous moquer وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ Donc là, c'est grave de se moquer de As-Sahaba, parce que ce sont les Sahaba qui nous ont rapporté cela. Donc il ne faut pas se moquer des Sahaba, ni en général, ni de prendre l'un d'eux et donc de le détracter ou ta'nu fihi ou sabbu comme يفعل subhanallah comme font les gens de certains sectes égarés tels que Rafida qabbahumullah et tels que l'imamiyya aussi qui sont des sectes de Rafida et tels que ce que font l'ikhwan muslimoun donc qui osent entrer dans des choses qui les dépassent. Et il détracte des sahaba, il commence à les critiquer, et ainsi de suite, et il tombe dans l'herbe de certains sahaba, notamment Uthman, radiallahu anhu, et notamment Muawiyah, radiallahu anhu, et ainsi que d'autres sahaba, tels que Amr ibn al-As et d'autres. Là, les sahaba, le devoir qui nous incombe, c'est de les aimer. Allah nous a ordonné de les aimer. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Si ceux qui sont désignés dans ce verset ne sont pas les Sahaba, qui sont nos ikhwan, qui sont nos frères, si ce n'est pas les Sahaba en premier lieu. Donc والذين جاءوا من بعدهم, nous on est venu après eux. يقولون ربنا اغفر لنا, oh Allah pardonne nos péchés, ainsi qu'à nos frères, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Nos frères, ils nous ont précédés dans la foi. Ils ont combattu pour cette religion. Et ils l'ont transmise. Ils ont fait tout l'effort, c'est-à-dire possible pour la transmettre jusqu'à nous. Et quelle est leur récompense? Quelqu'un vient donc au 15e siècle de l'Égypte pour les insulter. Alors que lui, il est plein de défauts et il est plein d'égarements. Il est plein d'égarements et plein de défauts. Comme ce qu'a fait les théoriciens de l'Ikhwan al-Muslimoun. Ils sont tombés dans cela. Les théoriciens tels que Qutb, notamment. Sayyid Qutb, notamment. Il est tombé dans l'air de Kalimullah, de Moussa alayhi salam. Et il est tombé dans l'air de As-Sahaba radhiyallahu anhum. Là, c'est une question qui est grave. Est-ce que ces gens, ils n'ont pas lu cette question qui est très détaillée dans la sourate de At-Tawbah? Et qui est donc très célèbre chez les musulmans. Les musulmans donc, aiment les compagnons, ne doivent pas donc les détracter. Ni l'un d'eux, ni la généralité, c'est-à-dire ni tous les compagnons, leur devoir sur nous, c'est de les aimer et donc de sirfar lahum wa tarahum alayhim wa tarbi anhum. C'est ce qui est demandé du croyant. Donc le croyant, il sait ses limites, il sait que ces gens le dépassent en termes de ilm et en termes de foi et en termes de taqwa. Et sur tous les plans, ils nous dépassent, ces gens. Ils nous dépassent, ces gens. Donc là, le Cheikh Hafidahullah, il a dit, ceci montre qu'ils avaient une foi faible. Ces gens qui sont tombés dans cela, c'est à cause de leur foi faible. Très faible. De leur foi faible. Ils avaient commis cet interdit, tout en sachant qu'il est interdit. C'est-à-dire tout en sachant que c'est haram de faire ça. Tout en sachant qu'il est interdit. Mais ils n'ont pas pensé que c'était une mécréance. Ils n'ont pas pensé que c'est une mécréance. Mais ceci n'est pas une condition. Mais ils n'ont pas pensé que c'était une mécréance. Or, c'était une mécréance pour laquelle, ou bien par laquelle, ils sont devenus mécréants. Ils n'ont pas cru à sa permission. Ils n'ont pas cru à sa permission. Ils n'ont pas cru que ceci serait permis. Et donc là, cela, il est résumé de Majmou' al-Fatawa ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ceci, cette parole que le Cheikh Bazmoul Hafidullah, il nous rapporte, c'est extrait de At-Taqrir de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Voilà ce qu'il a décliné comme vérité dans ses fatwa. Rahimahullah ta'ala, wa jazahu an islami khayran. Donc là, il nous a rapporté ces choses et il nous a rapporté un cinquième et dernier point concernant l'importance d'étudier ce sujet. Il a dit le cinquième point, parmi ceux qui montrent l'intérêt de ce thème et sa maîtrise, c'est que certaines de ces questions sont sujettes à divergence. Certaines de ces questions sont à étudier, sont sujettes à divergence chez les gens de science, et donc l'étudiant en science a donc besoin de les examiner et ne pas négliger la divergence qu'il y a dans cette question qui est un annulatif de l'islam. L'étudiant doit s'intéresser à cela pour comprendre quel est l'avis le plus fort, quel est l'avis qui est le plus donc proche de la vérité pour l'adopter. Donc cela montre aussi l'intérêt de ce thème. Et le Cheikh, après cela, il a dit, avant d'expliquer ce que l'auteur, rahimahullah, Mohamed ibn Abdouhab, rahimahullah, il a cité dans les nawaqid, dans les annulatifs, je mentionnerai ces règles, je mentionnerai hadith dawabit, ces règles qui concernent ce chapitre. Et il va nous mentionner 15 dawabit importants, très importants. Il va nous résumer 15 parmi les choses qui se rapportent à ce chapitre. À ce chapitre, et qu'il s'agit donc de leur prêter de l'attention et de les comprendre, bi'idhnillahi ta'ala. Donc il a dit, la première règle, al-dhabit al-awwal, la déclaration de mécréance est un droit qui appartient à Allah ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-dhabit al-awwal, al-takfir haqqun lillahi ta'ala wa li rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh l'a dit, déclarer mécréant est un droit qui appartient à Allah Ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas permis de les devancer. Oui, at-takfiru haqqun lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Hada haqqun lillahi ta'ala wa li rasulihi. Il n'appartient pas aux musulmans de juger quelque chose comme étant un kufr s'il n'a pas un délit dans le livre ou dans la sunnah. Il n'appartient pas aux musulmans de traiter une question comme étant du kufr alors qu'il n'y a pas une preuve que c'est kufr selon la religion. Donc là, at-takfir hada haqq lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc déclarer mécréant est un droit qui appartient à Allah ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas permis de les devancer. Allah ta'ala avait dit, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Oh vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Sourate Al-Hujurat, les appartements, verset numéro 1. Et le Cheikh la continue, il a dit, on ne prononce pas la mécréance relativement à une question ou à l'adresse d'un individu précis, sauf preuve à l'appui dans le livre et la sunna. Sauf si on a une preuve provenant du livre ou de la sunna. Il ne mécroit pas à cause d'une désobéissance ou un péché. La yakfur al-muslim li mujarradi ma'siyatin aw dhanb. Aw dhanbin dun al-kufr. Il ne mécroit pas à cause d'une désobéissance, marsiya, ou un péché, ni simplement à cause d'une répulsion. Voilà les bourdes, au karahiya. Non pas nous, parce que, par exemple, on déteste une personne, par exemple, on va le prononcer sur cette personne un kufr. Iyadan billah. Non pas à cause d'une répulsion, ou à cause d'une passion, une concurrence ou une chose, ou une passion, ou une ambiguïté, ou à cause d'une ambiguïté, les sababi shubha. Donc, il est nécessaire de détenir une preuve légiférée, un argument probant, une démonstration limpide, car quiconque rend un musulman mécréant, il mécroit lui-même. Comme le Nabi alayhi salam, il a dit, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Rendre un musulman mécréant, cela fait tomber celui qui a prononcé tel jugement, cela le fait tomber dans la mécréance.